le fils contemplait tristement son beau-père, en se demandant si la bêtise et la vanité ne possédaient pas une force égale à celle de la vraie grandeur d'âme. Les causes qui font mouvoir les ressorts de l'âme semblent être tout à fait étrangères au résultat. La force que déploie un grand criminel serait-elle donc la même que celle dont s'enorgueillit un champsené allant au supplice? À la fin de la semaine, Madame Crevel était enterrée, après des souffrances inouïes, et Crevel suivit sa femme à 2 jours de distance. Ainsi, les effets du contrat de mariage furent annulés, et Crevel hérita de Valérie. Le lendemain même de l'enterrement, l'avocat revit le vieux moine, et il le reçut sans mot dire. Le moine tendit silencieusement la main, et silencieusement aussi, maître Victorin Hulot lui remit 80 billets de banque de 1 000 francs, pris sur la somme que l'on trouva dans le secrétaire de Crevel. Madame Hulot jeune hérita de la terre de Presles et de 30 000 francs de rente. Madame Crevel avait légué 300 000 francs au baron Hulot. Le scrofuleux Stanislas devait avoir, à sa majorité, l'hôtel Crevel et 24 000 francs de rente.